Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les télévangélistes américains. We must face it. We've lost God. We've lost our contact with the Almighty. We've lost our moral direction. We've lost our spiritual sensibility. There's a lack of a sense of life in America today. Le prédicateur Billy Graham au Madison Square Garden de New York le 16 mai 1957. Dans cet extrait, Billy Graham déplore le recul de la spiritualité dans la société américaine. Mort en 2018, Billy Graham reste probablement le plus connu et le plus respecté des télévangélistes américains. Pendant plus de 60 ans, il s'est retrouvé chaque année au palmarès préparé par la maison de sondage Gallup parmi les 10 personnalités les plus admirées de la planète. Et contrairement à de nombreux autres télévangélistes, le nom de Billy Graham n'a jamais été associé à aucun scandale que ce soit de nature sexuelle ou financière. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Il est la vérité. I am the truth. Jésus-Christ est la vie. Jesus is the life. Et il m'a sauvé. And he saved me. That's a wonderful truth. Au forum ce soir, il y a près de 8000 personnes qui attendent sagement l'entrée de Leighton Ford. La foule est venue d'un peu partout au Québec et provient de toutes les églises, catholiques et protestantes confondues. Leighton Ford parle doucement le français. Mais quand on lui demande la différence qu'il y a entre lui et les autres télévangélistes américains connus, il s'impatiente un tout petit peu et alors préfère répondre dans sa langue maternelle. Well, there are many fine televangelists in the United States. Il y a plusieurs très bons prédicateurs aux États-Unis. Some unfortunately have fallen into sexual scandals. Plusieurs sont malheureusement tombés dans des scandales sexuels. And some give the impression that they've spent all their time asking for money. Et d'autres donnent l'impression qu'ils passent leur temps à demander de l'argent. This has not been true of Billy Graham. Mais heureusement, ce n'est pas vrai du ministère du Dr. Graham. I don't think it is true of my ministry. Et je ne crois pas que ce soit vrai pour mon ministère non plus. And I think most people in the United States know the difference. Et je crois que la plupart des gens des États-Unis reconnaîtraient la différence entre nos ministères. Cet extrait d'un reportage de Linda Barry présenté à l'émission Le Midi 10 en juin 1990 traduit bien l'engouement, le désenchantement aussi qui va suivre cet engouement entourant les télévangélistes américains à cette époque, les années 80-90, même dans une ville comme Montréal. Pour nous parler de ce phénomène des télévangélistes américains, du poids politique aussi, du poids social qu'ils vont avoir aux États-Unis, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière de l'émission. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Pourquoi, Karine, une histoire des télévangélistes? Bien, d'abord parce que c'est un phénomène qui dépasse la sphère religieuse. C'est un phénomène qui est aussi culturel aux États-Unis. C'est un phénomène qui est également économique. On sait que les télévangélistes ont bâti des empires financiers pendant plusieurs années. C'est ce qu'ont dit plusieurs analystes, la rencontre entre le charisme et le marketing. Et à ce titre-là, c'est un phénomène vraiment intéressant à analyser. Mais c'est aussi et surtout, je vous dirais, parce que c'est un phénomène qui est lié aux fluctuations du conservatisme chez les Américains. C'est une espèce d'indice, en fait, des tendances idéologiques qu'on retrouve aux États-Unis. Et donc, ça permet d'avoir une idée, de sonder d'une certaine façon les idées politiques aux États-Unis. Oui, puis ils auront, puis on va le voir dans l'émission, ils auront un poids sous certaines administrations. Je pense à Ronald Reagan, mais les Bush aussi, les télévangélistes vont avoir le bras long, comme on dit. Commençons par le commencement. Ça remonte à quand le début de ce phénomène des prédicateurs, au début, c'est pas la télé, des prédicateurs très médiatisés? Bien, ça remonte à la radio dans les années 20. Au début, certaines chaînes de radio américaines, notamment à Pittsburgh, diffusent des cérémonies religieuses, diffusent la messe essentiellement. Mais progressivement, à mesure que les années 20 avancent et que la radio se développe un peu, on aura le premier prédicateur radiophonique qui va s'appeler Charles Coughlin, qui va faire des prêches sur la station de Détroit en 1926. Et puis, à partir des années 30, va pouvoir parler nationalement sur les chaînes de CBS. Il va attirer 45 millions d'auditeurs, c'est énorme. C'est un prêtre catholique, il est très démagogue, il a des positions politiques assez tranchées, il s'en prend au président Roosevelt notamment, il est plutôt antisémite, et en fait, ses positions sont tellement conservatrices qu'il sera finalement mis à la porte en 1940 parce qu'on va juger qu'il est trop controversé. Et ce sera, si on veut, le premier d'une longue série de prédicateurs radiophoniques d'abord, puis évidemment, au fur et à mesure que la technologie se développe, on les entendra ensuite à la télévision. Ouais. Ils vont être tellement nombreux, et ils sentent bien que les médias, c'est la radio d'abord puis la télé ensuite, c'est porteur, que c'est un outil intéressant, qu'ils vont même, au milieu des années 40, créer une association, les National Religious Broadcasters. Exactement, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler de comment la radio fonctionnait. Les groupes religieux ne pouvaient s'exprimer à la radio que lorsque les chaînes leur octroyaient du temps d'antenne gratuitement. Et là, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir davantage accès aux ondes. On se rendait compte, effectivement, du potentiel important de la radio pour rejoindre les masses. Et là, on se disait, on veut pouvoir nous-mêmes acheter du temps d'antenne. Et ça va prendre plusieurs années avant que ça puisse se produire. Ce sera dans les années 50, en 1956 précisément, que ce lobby-là va réussir à faire pression à la fois sur le Congrès des États-Unis, mais aussi sur ce qui s'appelle la Federal Communication Commission, la FCC, qui est l'équivalent du CRTC canadien. Mm-hmm. Et c'est là, justement, où on va obtenir ce droit d'accéder à la radio de façon plus simple, plus rapide, et de pouvoir payer nous-mêmes, en fait, pour les émissions qu'on veut produire. Ouais, puis arrive, évidemment, la télé. Et oui. Ce terme télévangéliste, qui est créé avec l'apparition de la télé, à peu près quand ces prédicateurs se font voir à la télé, c'est en 52 que le terme est inventé, Karine Prémont. Pour la première fois, on l'utilise en 52, mais je vous dirais qu'il faudra attendre quelques dizaines d'années avant que le terme soit popularisé par des sociologues, notamment début des années 80, là, qu'on va utiliser ce terme-là. Mais effectivement, dans les années 50, on comprend déjà ce phénomène-là. On voit déjà que la télévision et les évangélistes vont pouvoir avoir beaucoup de succès, en fait, grâce à ce média. Ouais. Et ce qui est particulier, puis on revient à ce terme, télévangéliste, mm-hmm. c'est que la grande majorité des prédicateurs, des hommes d'église, donc, qui vont être très médiatisés, qui vont devenir des vedettes, la grande majorité vont se retrouver chez les évangélistes. Pourquoi? Bien, d'abord, parce que les évangélistes, c'est 25% de la population américaine. Alors, forcément, en termes de nombre, là, ils sont significatifs. Mais c'est aussi parce qu'il y a un lien très fort entre la théologie évangéliste et le libre marché aux États-Unis, parce que pour les télévangélistes, la parole de Dieu doit être accessible au plus grand nombre de personnes. Et donc, ils vont demander aux fidèles de financer les émissions religieuses pour pouvoir, justement, être diffusées à un grand nombre. C'est ce qu'on appelle chez les évangélistes le prosperity gospel. C'est-à-dire que c'est normal que les riches payent, c'est normal que les riches, en fait, étalent leur richesse parce que la richesse est un signe de la faveur de Dieu. Donc, quand on a des sous, on doit contribuer à ce que d'autres personnes puissent avoir accès à cette parole de Dieu. Alors que les autres groupes religieux, en particulier les catholiques, ont toujours refusé de payer pour prêcher, ont toujours refusé de demander des sous aux fidèles pour financer ce genre d'émission et donc vont se cantonner à l'espace médiatique gratuit que la télévision va leur octroyer, alors que les évangélistes, eux, vont prendre le devant, acheter des émissions et donc seront beaucoup plus visibles et beaucoup plus rapidement que les autres groupes. Avec une explosion qui va se produire dans les années 60, vraiment, on va assister à une explosion du phénomène des télévangélistes. Pourquoi à ce moment-là? Bien, d'abord, parce que dans les années 60, effectivement, c'est la télévision, mais c'est, je vous dirais, surtout la déréglementation des médias aux États-Unis dans les années 60-70. Parce que la FCC, dont on a parlé tantôt, va mettre fin à cette obligation d'offrir gratuitement du temps d'antenne, comme on le dit depuis tantôt. C'était une condition de licence auparavant, et là, on va mettre fin à ça. Parallèlement, c'est la commercialisation des médias, plus largement aussi, qui va permettre, justement, d'acheter ce temps d'antenne-là. Et progressivement, bien, c'est ça qui va l'emporter, c'est-à-dire que les chaînes de télé vont cesser carrément d'offrir du temps d'antenne, puisqu'ils n'en ont plus l'obligation, et vont diffuser uniquement ce qu'on appelle les paid programs, donc des émissions payées par des groupes, et notamment ceux des télévangélistes. Oui, avec aussi, on ne peut pas encore parler à cette époque-là d'une multiplication des chaînes, mais le développement du câble. Hein, il y a des chaînes régionales qui vont permettre à certains télévangélistes de fabriquer, de produire des petites émissions. Bien, en fait, il y a plusieurs évolutions technologiques qui vont donner ce coup de pouce aux télévangélistes. Si on remonte un petit peu plus loin que le câble, si on pense à la vidéocassette déjà, ça va permettre à différentes stations de la même chaîne de diffuser une émission en simultané. Et ça, évidemment, ça va permettre de rejoindre un grand nombre de personnes. Le satellite va permettre de diffuser en direct et c'est là vraiment, avec le satellite, qu'on va voir l'apparition de ce qu'on va appeler les méga-églises. Les prêches, là, très spectaculaires, très enlevées aussi. Et c'est ça qui va donner lieu à la création d'un certain vedettariat aussi chez les télévangélistes. Mais effectivement, le câble va permettre la diffusion continue et c'est là où on va voir la création de chaînes câblées qui sont strictement religieuses. Ouais. Il y en aura plusieurs, évidemment, mais c'est ça qui va faire passer l'audience de ces émissions religieuses de 5 à 25 millions de personnes en une dizaine d'années, là, entre 70 et 80. Oui, parce que ça, 70-80, c'est vraiment un âge d'or du phénomène des télévangélistes. Il faut dire aussi qu'on se rapproche des années Reagan, on y vient dans un instant, Karine Prémont, mais il y a un encouragement institutionnel, il y a le développement de la technologie dont vous avez parlé, mais il y a aussi, sur le plan de la fiscalité, par exemple, on les encourage, les télévangélistes. Oui, effectivement. Et c'est, c'est pour ça qu'on voit, comme on le dit, en particulier, là, 75-87, là, disons que c'est la grosse période pour les télévangélistes, parce que les grandes églises vont devenir des empires financiers. D'une part, parce que ces empires financiers ont un statut d'organisation religieuse. Alors, on sait très bien que ce que ça signifie, c'est on ne paye pas d'impôts. Alors, évidemment, tout l'argent récolté va directement dans les poches de l'Église. Mais aussi, et peut-être plus particulièrement, la maison personnelle des dirigeants de ces églises-là sont déclarés comme des presbytères. Alors, ils ne paient pas d'impôts fonciers. Ça leur permet de se construire de très grandes maisons, très luxueuses, sur lesquelles ils ne paient pas d'impôts fonciers. Donc, très rapidement, ils vont engranger, c'est l'évangéliste, des profits faramineux. Et justement, avec la création de ces réseaux, la croissance des audiences, ils vont s'enrichir très rapidement, ces gens. Ouais. Arrivons aux années Reagan, parce que c'est vraiment... Il y a une rencontre, je dirais ça comme ça, entre Ronald Reagan et les télévangélistes, rencontre qui va se solder par un appui politique assez important. Reagan, il faut le rappeler aussi, est probablement l'un des présidents, en tout cas au 20e siècle, les plus religieux lui-même. C'est un homme de profonde conviction religieuse, ça va jouer. De quelle manière vont se nourrir les deux phénomènes? Quelle importance, quel poids politique auront les évangélistes durant les années Reagan? Quelle importance ils auront sur son succès électoral, par exemple? Je vous propose d'abord d'écouter à ce sujet un extrait de reportage de Gilles Courtemanche, diffusé à l'émission Télémag le 22 octobre 1980, quelques jours seulement avant l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. Ce n'est donc pas un miracle si Ronald Reagan, durant la convention républicaine de Détroit, rencontre durant plus d'une heure Phyllis Schlafly, Paul Warrick et Jerry Falwell. Grâce à eux, le Parti républicain a adopté un des programmes les plus conservateurs de son histoire, et grâce à eux, Reagan pourra peut-être recueillir les votes de millions de chrétiens fondamentalistes qui jusqu'ici ne se sont jamais occupés de politique et qui bien souvent n'ont jamais voté. The 1980 candidate, Governor Ronald Reagan. Ce n'est pas sans raison qu'au plus fort de la campagne électorale, Ronald Reagan se rend chez Jerry Falwell en Virginie pour participer à un congrès de pasteurs baptistes qui utilisent presque tous la télévision sur une grande échelle et qui profitent de ce véhicule pour faire de la politique au nom de la Bible et indirectement pour Ronald Reagan. De quelle nature sera cette relation, Karine Prémont, entre Ronald Reagan et les télévangélistes? Ben d'abord, Ronald Reagan, il faut le rappeler, est le premier président à avoir formé une coalition de la droite religieuse aux États-Unis. Donc, auparavant, la droite religieuse votait de façon peu homogène, mais Reagan va réussir à les attirer, va réussir à former cette coalition conservatrice. Et ce sera la base de son électorat, d'une part, mais ce sont effectivement les gens qui sont les plus appelés également à suivre les télévangélistes, à suivre les leaders évangélistes. Et d'ailleurs, Reagan va vraiment participer à une pléthore d'activités religieuses, à la fois comme candidat, on l'a entendu il y a quelques instants. Il rencontre régulièrement les leaders évangélistes pendant qu'il fait sa campagne présidentielle en 80. Et beaucoup de discours importants qu'il prononcera comme président seront faits devant des leaders religieux. Peut-être le plus célèbre d'entre eux, c'est le fameux discours sur l'empire du mal en mars 83 qu'il va donner devant l'Association nationale des évangélistes à Orlando, en Floride. Et donc, ces conservateurs vont retrouver en Reagan, les télévangélistes conservateurs vont retrouver en Reagan une tribune, en fait, une façon d'exprimer leurs opinions politiques et à ce titre vont contribuer à définir les priorités politiques pendant une bonne décennie, notamment sur la question de l'avortement, de la criminalité, même de la politique étrangère, par exemple. Donc, à travers Reagan, les évangélistes, les conservateurs religieux vont avoir une tribune extraordinaire. Et c'est ça qui va contribuer aussi, par ricochet, à la popularité du phénomène des télévangélistes. Donc, un réel impact, là. Oui. Et d'abord, c'est pas rien. Reagan choisit, c'est une clientèle qu'il courtise, qu'un candidat à la présidence et qu'ensuite un président aille rencontrer dans des réunions d'évangélistes, aille rencontrer ces gens-là, c'est déjà significatif. Puis ça aura un effet politique important. Oui. Et évidemment, les présidents rencontrent souvent des groupes religieux. Alors ça, c'est plutôt commun. Mais ce qui est particulier, c'est la fréquence, c'est la sincérité, en fait, de cette relation-là. Alors que d'autres présidents le font parce qu'ils y sont obligés. Reagan a une réelle affinité avec les personnes très religieuses. Il fait de leurs priorités les siennes et se sert, en fait, et utilise, en fait, ces priorités-là et utilise sa tribune pour les faire entendre. Et rassemble tout le monde, autrement dit. Puis en plus, nourrit cette bête médiatique, parce que vraiment, c'est le délire. Au début des années 80, on crée... Il y a des empires qui s'affrontent, qui se font compétition dans le monde des télévangélistes. Là. On crée littéralement des monstres, Karine Prémont. Oui, parce que les méga-églises vont prendre beaucoup d'expansion dans les années 80 et la télévision est au cœur de la vie américaine, est au cœur de la vie nord-américaine, en fait, au cœur de la vie occidentale dans les années 80. C'est pas encore Internet, alors tout le monde se retrouve devant le téléviseur et avec le câble, on a accès à des dizaines, des centaines de chaînes, dont ces chaînes-là. Et très rapidement, ça va devenir des empires. D'abord parce que les leaders vont devenir des célébrités. Alors, on les accueille partout comme des rockstars ou à peu près. Ils sont au centre de l'attention médiatique et ils vont développer par le biais de leur église des activités parallèles aussi pour financer leurs programmes. On retrouve, par exemple, beaucoup de parcs thématiques qui seront créés dans les années 80, des parcs thématiques religieux, bibliques, par exemple. On va aussi tenter... Une espèce de Disney religieux? Ah oui, effectivement. Notamment, Jim Baker va développer un parc thématique qui s'appelle Heritage USA, qui va accueillir 6 millions de personnes en moyenne par année là, dans les années 80. C'est colossal. Donc, il se développe vraiment ce genre d'empire-là. Ils font du missionnariat aussi. Ils vont développer une programmation télé plus riche, plus vaste, pour attirer encore davantage des gens. Ils vont axer beaucoup leur thématique autour des valeurs familiales, par exemple, justement, encore une fois, pour attirer le plus large possible. Ouais. Et donc, il y a différents réseaux comme ça qui se développent. Il y en a à peu près 3-4 qui sont plus connus. La programmation est variable, je vous dirais, mais au total, ces chaînes-là attirent des millions et des millions de personnes. Ouais. Mais dès la fin des années 80, évidemment, tout le beau monde prend de plus en plus d'importance, est très connu, très riche, très médiatisé, et il commence à y avoir des odeurs de scandale à partir de la fin des années 80. On l'évoquait au tout début de l'émission, là, le reportage de Linda Barry l'évoquait, Billy Graham est probablement l'une des figures qui va s'en sortir dans toute sa vie, sans scandale financier ou sexuel. Mm-hmm. On écoute, pour illustrer un petit peu ce qui se passe, cette espèce de mea culpa. À la télévision, bien sûr, écoutez, vous allez tout comprendre, Jimmy Swaggart, qui va, à la fin des années 80, d'un grand mea culpa parce qu'il s'est fait prendre les culottes à terre. I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain until it is in the seas of God's forgetfulness. Thank you. Thank you. And God bless you. Jimmy Swaggart, donc, qui vous l'avez entendu, s'excuse, larmoyant, parce qu'il a été mêlé à un scandale sexuel. Karine Prémont, rappelez-nous, en fait, ce qui va se passer dans cette affaire Swaggart, puis ce que ça nous dit sur les scandales qui seront nombreux à toucher les télévangélistes. En fait, l'affaire avec Jimmy Swaggart est précédée d'une autre affaire qui explique celle-ci. Donc, je vais vous parler de Jim Baker en premier parce que Jim Baker, le premier télévangéliste très populaire, a s'est fait prendre, en fait, dans un scandale en 1987. Il a été accusé notamment de fraude postale, mais il a surtout été accusé d'avoir eu une aventure avec sa secrétaire à qui il aurait payé 350 000 $ pour obtenir son silence sur cette affaire-là. Et donc, il a connu une disgrâce publique extraordinaire. Les critiques ont été très acerbes. Et l'une de ces critiques les plus acerbes, c'est Jimmy Swaggart. Donc, il l'a très fortement condamné. Il a fait la tournée des talk shows dans les années 80, en 1987 pour dénoncer ce comportement. Et quelques mois plus tard, c'est à son tour d'être pris. Il se fait prendre à fréquenter des prostituées. Jimmy Swaggart, sa vie est scrutée à la loupe. On se rend compte qu'il a un train de vie extrêmement luxueux. D'abord, son entreprise est colossale. Il a un collège biblique. Il possède une imprimerie, un studio d'enregistrement parce qu'il pousse la chansonnette aussi à l'occasion, donc aime bien produire ses disques. Il a des maisons, des voitures luxueuses, etc. Et ce mea culpa télévisé, très larmoyant. On entendait d'ailleurs, c'est intéressant dans l'extrait, les gens pleuraient dans la salle aussi. Et à la télévision, je vous dirais, ça fait son effet aussi. Mais c'était vraiment le comment dire, l'incarnation même de la démesure des télévangélistes à l'époque. Et de récupérer. J'ai péché, mais Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Finalement, c'est une preuve que je suis humain. C'est une preuve que malgré mon argent, j'ai aussi des problèmes. Je dois me rapprocher de Dieu. Si vous voulez m'aider, envoyez-moi encore plus d'argent pour que je puisse réfléchir davantage à ce qui s'est passé. C'est un peu ça l'idée. Bon, on parlait il y a quelques minutes de l'association et du lien très fort entre Ronald Reagan et les télévangélistes. Il y a certains télévangélistes, je pense à Pat Robertson, qui vont faire le saut, qui vont s'engager politiquement, de manière active politiquement. Avec quel genre de résultats, Karine Prémont? Plutôt désastreux, je vous dirais, parce que à ce moment-là, ils vont se mettre à perdre des téléspectateurs. Et Robertson, notamment, a perdu 21% de son auditoire à partir du moment où il a annoncé sa candidature comme candidat républicain en 1988. Parce qu'à partir de ce moment-là, évidemment, on est amené à prendre position sur des sujets politiques plus délicats, plus controversés, qui heurtent davantage les gens, alors que la foi, elle, est peut-être un peu plus rassembleuse. Alors, Pat Robertson va avoir beaucoup de difficultés à se remettre de cette sortie publique, de cette candidature politique, parce que les gens, en fait, lui en ont un peu voulu de prendre position sur des sujets qui étaient plutôt divisifs et plutôt polarisants. C'est pas ce qu'on attendait de lui. On a parlé d'écart sexuel. Il faut toujours rappeler que ce sont des gens qui font la morale un peu à tout le monde, qui se retrouvent à être accusés d'adultère ou autre. Il y a d'autres types de dérapages qui vont être assez spectaculaires dans les années 80-90 aussi. Oui, parce que on se rappelle de Jerry Falwell, peut-être, qui est célèbre notamment, encore une fois, dans les années 80, en raison d'un procès qu'il avait perdu face à Larry Flint, le propriétaire du Hustler Magazine. C'est un procès sur la liberté d'expression qui avait fait beaucoup de vagues à l'époque. Mais Falwell s'est rendu plus célèbre pour ses dérapages de langage. Et d'ailleurs, la plupart des évangélistes dans les années 90 vont connaître des problèmes parce qu'ils vont se radicaliser d'une certaine façon en entretenant des messages d'intolérance qui sont très peu en phase avec l'évolution de la société américaine. Et Falwell, notamment, avait financé un documentaire qui tentait de lier Clinton à une conspiration pour meurtre, pour trafic de drogue. C'est aussi lui qui avait dit que le 11 septembre, en fait, c'était une punition de Dieu contre l'homosexualité. Et il avait poussé le ridicule, et ça l'avait fortement discrédité, en soutenant que les Teletubbies, c'était une émission pour enfants très connue dans les années 90, faisait en fait la promotion de l'homosexualité. Ouais. Et là, c'est là qu'on s'est dit, peut-être qu'on va un petit peu trop loin. Ouais. Et Pat Robertson, c'est la même chose. Donc, il essayait lui aussi de remonter la pente après sa candidature malheureuse. Il disait qu'en fait, les gays essayaient de transmettre volontairement le sida à des inconnus en se promenant avec des bagues pointues dans la rue pour piquer les gens. Quand il y avait des ouragans, on disait que ça aussi, c'était une punition de Dieu parce qu'on ne priait pas assez. Donc, c'est le genre de message qui est la goutte de trop, en fait, pour beaucoup d'Américains. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière à Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.